Allez, on se lève. Direction la cuisine. Allez, vous avez entendu, on se réveille et on s'active. Debout là-dedans. Conscience, active-toi un peu, on voit flou là. Eh, désolé là, il me faut un peu de temps pour être actif, hein. Et les muscles là, c'est quoi votre problème? Vous avez décidé de faire la grève ou quoi? Paresse, avoue que tu y es pour quelque chose. Oui, totalement. Je voulais rester encore 5 minutes au lit, mais il y a ce raisonnable de conscience qui intervient. Bah ouais, le réveil à 9h, c'est pour se lever à 9h, pas à 10h. Pour 5 minutes, c'était obligé. Mais si tu ne l'avais pas déjà fait deux fois pour ce matin, j'aurais négocié. Eh, il est 9h11, vous allez pas vous y mettre. Larve. Responsable. Mais c'est pas une insulte ça. Ouais, désolé, pas réveillé. Bon, c'est fini, oui. Café ou thé? Café. Ah, Zed lourd. Mais conscience, t'es pas censé être raisonnable? Si, mais y'a colère qui a squatté chez moi toute la nuit. Allez, et si on essayait de dormir en pensant à des trucs joyeux? Genre, on pourrait s'acheter un bon gâteau dans la semaine. Oh oui, un bon gâteau. Ah, y'a la nouvelle boulangerie-pâtisserie qui vient d'ouvrir. Et en plus, le personnel est plutôt mignon. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je pensais aux magnifiques pâtisseries. Les choux à la crème, Hop, on s'y dirige depuis la maison, on passe le coin de la rue et... Y'a l'autre énergumène de client jamais content qui est juste devant. Hé, colère, c'est moi qui m'occupe de cette nuit, normalement. Et puis, il nous voit, et il fait son sourire où t'as l'impression qu'il se fout de ma gueule. Mais non, allez, laisse-moi continuer. Jamais. En plus, il a parlé dans notre dos au patron, c'est pour ça que j'ai dû sortir des poubelles alors que c'était pas mon tour. Ah bon, ça va, c'est pas une grosse corvée non plus, on passait juste là. Pile, le jour où l'ascenseur est en panne, mes fesses, ouais. 6 étages, tu m'entends? 6 satanés étages. Et juste après que le client sorte de son bureau. Oh, je sens que la nuit va être longue. Mais c'est pas tout, hein. Il fallait que Thierry se ramène avec son gosse. Du coup, c'est possible que j'ai gardé quelques séquelles. Ouais, allez, repose-toi, on va voir ce qu'il y a à faire. Mémoire, planning du jour. Alors, congé, on est totalement libre, il n'y a aucune urgence, faudra juste arranger les plaintes du balcon ce soir. D'accord, dans ce cas, on va pouvoir agir automatiquement. Vous pouvez vous mettre en veille, je préviendrai s'il se passe quelque chose. Ça me fera du bien, ouais. Allez, on décroche. Oui, allô? Oui, allô, toi? C'est Camille du travail. Bonjour. Oh, stop! Alerte, alerte, alerte! Tout le monde se réveille! Yeehaw! Je suis chaud bouillant! C'est mon moment de gloire! Ah, panique! Tu peux pas te calmer un peu? Laisse-moi les commandes, allez, hop, le cœur, on le fout au max! Un peu de sueur, et hop, j'ai envie d'aller aux toilettes! Eh, hey, stop! Arrête avec les manettes, tu fous n'importe quoi avec le corps! Ah, t'es chiant! J'ai pas dit mon dernier mot. Bon, conscience, t'es là? Ouais, c'est bon, je les conseille de la raison en plus. Parfait, mémoire? Je suis à côté du cœur! Il y a un séisme là, je vais faire de mon mieux. Je peux compter sur toi, affectif? Ok, je suis ici, je suis prêt à encaisser tout. On verra si c'est utile. Attendez, Camille répond. Je t'appelle parce que j'ai du temps libre tout à l'heure. Et j'aimerais savoir si elle te dirait d'aller manger au restaurant ce soir. Celui à côté de la boîte vers 19h. Alors, affectif? Oh purée. Eh zut, affectif a pris un coup. C'est un rendez-vous ça, c'est une invitation à manger ensemble, c'est un rendez-vous, on l'intéresse peut-être. Calme-toi, on va demander à Conscience. Conscience, ton avis, vite. Conscience? Il a fait un malaise, je crois. Mais sinon, on peut juste lui répondre plus tard, non? Non mais ça va pas la tête. C'est peut-être la chance de notre vie, le début de la fin de notre célibat. Si on repousse la réponse, on se montre désintéressé et ça sera mort. M-O-R-T. Ah, moi je propose, hein. On se calme. Est-ce qu'il y a eu des signes par le passé, mémoire? Alors, il y a bien des moments où on peut penser à des signes. J'ai des visions de mes mains où on peut regarder en coin. Mais je peux pas te cacher que là, c'est un peu difficile d'analyser avec tout ce remue-ménage. Non mais c'est sûr, on n'invite pas un samedi soir un collègue de travail seul en étant deux célibataires. Non, ça ne veut rien dire. Conscience, ça va? Je ne me sens pas hyper bien, mais je vais essayer de vous aider. Comment ça? Ben, c'est pas parce qu'elle est célibataire et nous aussi qu'on l'intéresse. On peut juste être sur une amitié, et on ne sait même pas si elle est intéressée par les hommes. Et nous non plus, je te rappelle. Oui, enfin, que Camille soit un homme ou une femme, ça ne change absolument rien, puisque l'amour qu'on lui porte, c'est pas lié à son genre. Je veux dire, regarde, le boule de Captain America. Tu marques un point. S'il te plaît. Et je suis désolé, mais si mémoire n'a pas de souvenir net à sa disposition, moi j'en ai gardé. Alors, oui, mais toi tu interprètes toujours en ton sens. La dernière fois, tu croyais que la voiture derrière nous nous avait klaxonné parce qu'on s'était mal rabattu. Alors que deux jours plus tard, on s'est rendu compte qu'on avait un feu arrière dysfonctionnel et que c'était probablement pour nous avertir. D'où les gestes bizarres que le gars faisait. Bon, d'accord, sur ce coup-là, j'ai merdé. Mais quand même, il y a les regards, il y a les sourires, ça trahit pas. Et il me semble que Camille en fait un peu plus quand on est là, à vous. Ah, c'est possible. Oui, j'ai ça dans mes archives, je crois. Mais c'est difficile à confirmer. Du coup, c'est potentiellement un rendez-vous? Ou alors, c'est juste une invitation pour rembourser la fois où elle avait oublié son portefeuille à la soirée de la boîte. Pour qu'on soit quitte, et qu'il n'y a aucune arrière-pensée derrière, tout simplement, par politesse. Doute, tu penses vraiment que c'est possible? Non, parce que sinon on va pas s'en sortir, hein. Il faut pas se planter. Ah, sinon, on peut vraiment rappeler un peu plus tard, sous prétexte qu'on n'a pas vraiment notre agenda devant les yeux? Je pense que Paresse n'a pas tout à fait tort. On peut y penser un peu avant de répondre. Conscience, ton avis? Pas d'objection. Allez, c'est trop long, moi je réponds. Panique! Non! Oui, ça va. Très bien, on se retrouve tout à l'heure alors. À tout à l'heure.